La dimension sonore d'un quartier, la cité Mistral à Grenoble. Fragment sonore numéro 1. Blanche, je disais tout à l'heure, la brume là. C'est pas mal comme. Il fait, lui a dit.